فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلمتي معكم أيها الأخوة حول فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة إلى الله أي إلى دين الله جل وعلا هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ووظيفة أتباع الأنبياء. نعم عباد الله، الدعوة إلى دين الله جل وعلا هي أعظم وأجل القربات وأشرف الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رافع السماوات. الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة من أجل العبادات يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ولهذا عباد الله قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الجواب هو لا أحسن، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أحسن ممن دعا إلى الله، يعني أنه لا يوجد من هو أحسن ممن دعا إلى الله جل وعلا. نعم عباد الله، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الأنبياء. فالله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. يقول الله جل وعلا في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك ماذا؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله جل وعلا: يا أيها النبي، إنا أرسلناك بماذا؟ أرسلناك بماذا؟ مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. الدعوة إلى الله جل وعلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف العظيم، فهو السراج المنير. هناك فرق بين السراج الوهاج وبين السراج المنير. السراج الوهاج فيه نور وحرارة، والسراج المنير فيه نور وليس فيه حرارة. السراج الوهاج الشمس سراجا وهاجا فيها نور وحرارة يتأذى بها الإنسان في الصيف، لكن السراج المنير فيه نور وليس فيه حرارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا فيه نور وليس فيه حرارة، ينفعك شتاء وصيفا في كل وقت ينفعك صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه والتأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عباد الله، من منطلق هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، في هذه الآية العظيمة عباد الله فوائد جليلة وفوائد عظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحسن يعني قولا ولا عملا ممن دعا إلى الله جل وعلا. فالذي يدعو إلى الله جل وعلا يبين الناس دين الله ويبين لهم الطريقة المؤسلة إلى الله جل وعلا، هذا لا شك يا عباد الله أن هذا من أجل الأعمال. إنسان يدل الناس على الخير، يبين لهم أوامر الله ونواهيه، يبين لهم الحلال والحرام، يبين لهم كيف يعبدون الله جل وعلا وكيف يتقون ما نهى الله جل وعلا عنه، كل هذا يا عباد الله من أجل الأعمال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. في الحديث فوائد: بلغوا، فائدة أولى ما هي؟ تكليف. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، ولو آية تخفيف. فكلنا يدعو بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بلغوا عني ولو آية. والله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والدعوة إلى الله جل وعلا والداعي أيضا لا بد له من أن يتحلى بهذه الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين هذه الصفات هذه الآية التي ذكرناها في أول الكلام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة يا عباد الله يجب أن يكون في أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، وهذا شرط في جميع العبادات، شرط، إذ لا تقبل العبادة من أي أحد إلا بشرطين: أولا الإخلاص، ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك، أن يكون عملك لله، أن يكون عملك لله جل وعلا. فالداعية يجب أن يكون عمله ودعوته لله جل وعلا، لا يريد من وراء ذلك يعني شهرة ولا رياء ولا جاها ولا مالا، ولا ليصرف وجوه الناس إليه، ولا ليقال عنه كذا وكذا. فقصده نيته وجه الله جل وعلا، يريد بدعوة وجه الله جل وعلا. الإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك، فالعمل إذا خلط الشرك يا عباد الله بطل هذا العمل. وكما ذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، حيث قال بأن العبادة يعني التوحيد لا يصح إلا بالإخلاص، ثم ضرب مثلا محسوسا كالوضوء: إذا انتقض القواعد الأربع، عفوا، إذا انتقض الوضوء بناقض من هذه النواقض فإنه هذا الوضوء يبطل ولا تصح به الصلاة. كذلك التوحيد إذا طرأ عليه ناقض من النواقض فإن هذا التوحيد ماذا يحصل له؟ ينتقض، كما ينتقض الوضوء. نعم عباد الله، ونواقض التوحيد كثيرة، ومنها الشرك بالله جل وعلا. والشرك بالله جل وعلا تدخل فيه أشياء كثيرة: السحر من الشرك بالله جل وعلا، والكفر به جل وعلا، كما قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر هو كفر والشرك بالله جل وعلا محبط للعمل. فلا بد عباد الله يعني من الإخلاص. أولا أساس الدعوة الإخلاص، ومعنى الإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الجلي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. هذا العمل لا يقبله الله جل وعلا، لأن ما عملت لله جل وعلا، قصدك نيتك لم تكن لله جل وعلا، عملت هذا العمل من أجل أن يقال عنك كذا وكذا وقد خيب، عملت هذا العمل من أجل الدنيا، من أجل رياء سومعة، تريد الشهرة رياء، فهذا العمل لا يقبله الله جل وعلا. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتابعة. لهذا يجب أن نعلم عباد الله أن الدعوة توقيفية، أن الدعوة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ بمعنى أنك لا تتجاوز الكتاب والسنة، عليك أن تسلك في دعوتك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى توقيفية. قال الله قال الرسول، هذا معنى الدعوة، تدعو إلى الله جل وعلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالدعوة توقيفية. لكن وسائل الدعوة كثيرة، الدعوة وسائلها كثيرة، تكون عن طريق التأليف، وتكون عن طريق التدريس، وعن طريق التعليم، وعن طريق يعني الأشطة إلى غير ذلك، والأقراص والكتب، كل هذا يعني وسائل للدعوة إلى الله جل وعلا، لكن أساسها الكتاب والسنة، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين اتخذوا طرقا للدعوة وكيفيات للدعوة ومناهج ما أنزل الله بها من سلطان. فنرى جماعة الإخوان مثلا دعوتهم ماذا؟ تقوم على الأناشيد والتمثيليات والمسرحيات، سبحان الله، مسرحية تمثيلية، هذه دعوة إلى الله جل وعلا. سيد يعني يمثل، كما قال أحدهم ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية، هذا اسمه يعني ماذا، رشيد حذيفة هكذا، ايوه، يقول يجوز التمثيل، ايه الدليل على ذلك؟ قال حديث جبريل عليه السلام، لما جاء جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ والرسول يجيبه: سبحان الله، هذه تمثيلية، أعوذ بالله. هذا كلام خطير يا عباد الله. دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة أهل السنة والجماعة، دعوة السلف لم تكن بهذه الطريقة أبدا، هذه التمثيليات وهذه المسرحيات وهذه الأناشيد وهذه الأعمال التي تخالف يعني الدعوة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الدعوة توقيفية، قال الله قال رسول، هذا ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدة النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نسبك بالخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. إذن العلم والدعوة قال الله قال رسول الله، هكذا الدعوة يجب أن تكون. فإذا خلت عن هذا النطاق، إذا خلت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون يعني مبتدعة وتكون بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام أكرمنا بدين الإسلام وأتمنا الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود حق على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد وكل جيل الشيخ حفظه الله تعالى dans ce début de conférence. Il loue Allah tabaraka wa ta'ala, puis prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans la voie de droiture. Puis il dit, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on loue Allah tabaraka wa ta'ala, du fait qu'il nous a réunis dans une obéissance, ou dans un acte d'obéissance. Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala, sans lequel ceci n'a pu se concrétiser. Puis il a cité le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel celui-ci dit, nous le groupe se réunissent dans une des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes, et que la sérénité descende sur eux, et que Allah tabaraka wa ta'ala fait leur éloge avec ceux qui sont près de lui. Donc il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala par la suite. Donc le sujet qu'on abordera ensemble dans cette assemblée, incha'Allah ta'ala, portera sur le mérite de l'appel vers Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a cité à cette occasion le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens rapproché du verset, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Puis il a cité à cette occasion la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il dit, « Oudon ila sabili rabbik, appelle vers le sentier de ton Seigneur, bil hikmati wal ma'idhati al-hasana, Donc appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Et débat avec eux de la plus belle manière. Il dit, النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Donc il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Allah guide par ton billet une personne, ceci est mieux pour toi qu'une chamelle rousse. Donc ad-da'wa, l'appel vers Allah subhanahu, vers sa religion, fait partie des rôles des prophètes et ceux qui les ont suivis. Non. Puis il dit par la suite, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Donc ce ayah est une question ici. Donc la réponse, c'est-à-dire, nulle personne n'est mieux que celui qui appelle vers Allah, tabarak wa ta'ala. Car ceci fait partie des rôles des messagers, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son prophète, alayhi salatu wa salam, يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Donc il dit au prophète, nous t'avons certes envoyé en tant que prédicateur, da'iyan ila Allah, en tant que prédicateur vers Allah, bi'ivnihi, par sa permission. Afwan, l'aya, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Nous t'avons envoyé en tant qu'avertisseur et annonciateur et un appeleur vers Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que témoin et un avertisseur et un annonciateur et un avertisseur et un prédicateur vers Allah tabaraka wa ta'ala, wa da'iyan ila Allah bi'ivnihi, par sa permission, wa sirajan munira. Donc siraj, à la base dans la langue arabe, on dit yani la bougie. Je cherche la traduction ici. Non. Donc ils ont traduit ça à siraj, comme dans surat yani An-Naba. Il dit siraj, c'est une lampe. Donc, dans une traduction, Allah alam, de ce que je m'appelle, il dit le flambeau. Donc, si c'est une erreur, les frères rectifient. Le flambeau. Tout le monde sait ce qu'est un flambeau? Non. Donc, il dit le cher ici, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de siraj. Mais, il a donné le qualificatif de munira. Donc, la différence entre la lumière qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lumière qu'Allah subhanahu a qualifié, le soleil, en disant wa sirajan wa haja. Donc il dit ici dans le ayah, et il placé une lampe, le soleil, très ardente. Donc la différence entre les deux, c'est que la lumière qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu dit de lui sirajan munira, donc celui-ci émane d'elle une lumière, mais ceci ne brûle pas. Contrairement au soleil, émane d'elle une lumière, mais celui-ci nuit à la personne avec sa chaleur. Comme la lune. Donc dans ce verset, les frères, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, il y a énormément de leçons en tirer. Donc celui qui emprunte ce chemin qui est la da'wa, celui-ci montre aux gens le chemin de la droiture. Il appelle les gens vers le bien. Il montre et expose aux gens les ordres et les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il montre aussi et il expose ce qui est licite de ce qui est illicite. Il montre aux gens comment adorer leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme il est dit dans le hadith authentique, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc, dans ce hadith, le Cheikh hafidhahullah ta'ala dit, elle recèle trois parmi les fawa'id. Parmi les fawa'id, le son tiré de ce verset sur sa parole, balliro, transmettez. Donc ceci montre ce qu'on appelle le taklif, c'est-à-dire la capacité. Donc ce da'wa est en fonction de la capacité de celui qui veut yani prendre ce rôle. Deuxièmement, anni, transmettez de moi, c'est-à-dire ceci est tashrif, c'est-à-dire un honneur que la personne rapporte une chose venant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il dit walaw aya, ne serait-ce qu'un verset, c'est-à-dire tarfif, c'est-à-dire une facilité ou un allègement. Donc il dit dans le hadith semblable, celui d'entre vous qui voit le blâmable, qui le corrige par ses mains, s'il n'y parvient pas, par sa langue, s'il n'y parvient pas, avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi. Donc le prédicateur, lui, ad-da'i, il se doit de s'imprégner des attributs qui est venu dans le Coran et de la Sunna. Et parmi ces attributs, ce qui est venu dans ce verset, premièrement, que cet appel vers Allah tabaraka wa ta'ala soit fait d'une manière sincère. Et la sincérité est une des conditions de la validité de toutes les adorations. Car Allah subhanahu n'accepte aucune adoration sans que celui-ci n'ait réuni deux conditions. La première condition, la sincérité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, la conformité avec la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la signification de l'ikhlas, c'est le fait d'épurer. Tout le monde sait ce qu'est épurer. Nettoyer. C'est bon, les frères? Non. Donc il dit, la signification de l'ikhlas, hafidhahullah ta'ala, c'est le fait d'épurer les actes d'adoration ou les actes de toute forme de polythéisme, de toute forme de polythéisme. Donc l'intention qui est mise lorsque la personne œuvre, c'est-à-dire le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et non s'accaparer les mérites des gens ou les éloges des gens ou que les gens se tournent tous vers lui. Et les actes, ou l'acte lorsqu'il est mélangé avec le polythéisme, celui-ci le rend caduque. Comme l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala l'a cité dans sa risala qui s'intitule « Les quatre règles » dans lesquelles il expose ceci et le met en évidence et il a donné un exemple qui est palpable, qui est l'exemple de l'oudou. Donc celui qui a l'oudou puis est tombé dans une des actes qui annule celle-ci, donc son oudou est annulé. Comme celui qui tombe dans une des actes qui annule le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc celui-ci a annulé ses œuvres. Et les annulatives de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala sont très nombreuses. Parmi cela, le polythéisme, l'association, parmi cela, la mécréance, parmi cela, as-sihr, yani la sorcellerie. Au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Et Sulaiman n'a pas mécru, mais les diables ont mécru. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et ce qui a été descendu à Babylone sur les deux anges Harut et Marut. Non. Donc il dit le cheikh, donc, il est obligatoire d'avoir la sincérité. Puis il a répété la définition, c'est-à-dire épurer les œuvres de toute forme de polythéisme. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Nous leur avons ordonné cependant que d'adorer Allah subhanahu, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion de droiture. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplit les bonnes œuvres et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et venu dans le hadith divin dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: je suis exempt de tout associé. Celui qui fait un acte dans lequel il me donne quelque associé, je le rejette lui et ce qu'il a œuvré et son œuvre. Non. Donc cet acte-là, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte guère, car elle n'a pas été fait exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc le but de cette personne-là dans cet acte-là, soit s'accaparer la popularité ou l'ostentation et autres parmi les actes. Wallahu musta'an. Wa shartu thani, la deuxième condition de la validité des actes, il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, al-mutaba'a, c'est-à-dire la conformité ou le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la da'wa, sachez-le, est une destitution divine. Donc le mot en arabe, ya'ni tawqifiyya. Est-ce que tout le monde sait ça veut dire quoi, destitution divine? Destitution divine. Non. Ceci est venu dans la traduction du frère Hassan al-Faransi, Allah Ta'ala, des noms et les attributs d'Allah Subhanahu, de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. Donc il a donné le mot, yani destitution divine. Tawqifiyya bima'na la yutajawazu fi dhalika al-kitab wa sunnah. Non. Donc ça, la ta'ti bi shay'in min 'indak. Non. توقيفية أن تقف عند النص قال الله قال الرسول هذا معنى توقيفية. نعم بجزاك الله. ما دل عليه الدليل. بجزاك لا تتجاوز ذلك. نعم. donc la signification de توقيفية ليس مسألة اجتهادية من عندك. لا تجتهد أنت بالدعوة وتأتي بشيء من عندك. وإنما توقيفية يعني الوقوف عند النص لا تتجاوز. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أسماء الله تعالى وصفاته لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة قال الله قال الرسول توقيفية لا مجال العقل فيها لا مجال الاجتهاد فيها هذا معنى توقيفية فالدعوة توقيفية وليس مسألة اجتهادية تجتهد أنت برأيك و تدعو كما تريد. نعم. بجزاك الله خير. Donc ici pour ceux qui ne connaissent pas le mot en français, la signification du mot tawqifiyya, c'est-à-dire qu'il nous est interdit de dépasser le texte religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, yani ad-da'wa, ne fait pas partie des points qui s'inscrivent dans al-ijtihad, c'est-à-dire il n'appartient pas à la personne de faire des efforts d'interprétation et émettre des avis et des manières ou des façons d'appeler vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il lui est dans son obligation de suivre les textes et de s'arrêter qu'aux textes religieux. Comme l'a cité l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, au sujet des noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Il n'est pas permis de dépasser le livre et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, la da'wa, l'appel vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que la personne suit dans sa méthodologie d'appeler vers Allah subhanahu la même méthodologie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a usé dans l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, cependant, les moyens qui permettent de faire la da'wa sont multiples. Parmi les moyens, le shir il a cité le fait d'éditer des livres. Parmi les moyens, le fait d'enregistrer des cassettes, des CD et autres parmi les moyens qui sont connus. Donc le fait d'enseigner, de faire des conférences, etc. Tout ceci font partie des moyens qui est mis à disposition pour répondre à la da'wa d'Allah tabaraka wa ta'ala. Contrairement aux gens de l'innovation, ils empruntent où ils usent d'une manière ou la manière de faire la da'wa contrairement à ce qui est venu dans le livre et la sunna au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. Et parmi ces gens-là, il y a le groupe des frères musulmans qui utilisent ou yani leur da'wa, leur méthodologie, c'est-à-dire à travers les anachides, à travers التمثيليات يعني سكتش فلسال سكتش تياترو تياترو نعم سي التمثيل يعني تونتي اوسي سا Sketch, voilà. Chaque année, de ce registre-là, les sketchs, le théâtre, les mises en scène, etc. Comme a fait un de ceux qui sont connus parmi les gens du commun, je pense, Rachid Yani Abu Hudayfa, ça. Celui-ci a dit que yani, cette méthodologie est licite et s'est basée sur le hadith de Jibril alayhi salatu wassalam pour authentifier cette parole. Que lorsque celui-ci est venu à Nabi sallallahu alayhi wasallam, il était venu en apparence d'être humain. Donc celui-ci a dit, voilà, ceci est une preuve qui montre que ceci est yani licite. اي نعم بل ذهب ابعد من ذلك بل ذهب ابعد من ذلك انه اتى برجل ويساله يعني انه كان سكيرا كان يتعاطش بالخمر فيساله كيف وهكذا يتكلم معه سبحان الله هذا من اعظم الذنوب من اعظم الذنوب سبحان الله من اعظم الذنوب ان يسترك الله ثم تفضح نفسك تقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا فيأتي بشاب مثلا يتكلم أنه كان سكيرا ويقول كنت أشرب الخمر وكنت وهذا من المصائب أن ينشر هذا الكلام في يعني في عن طريق هذا الجهاز يعني الإلكتروني أو عن طريق الشبكة العنكبوتية والله المستعان Wallahu al-musta'an. Ah. Donc il dit, le cheikh en rajout par rapport à cette personne, il dit, et plus encore, il est allé plus loin que cela, c'est-à-dire, il a demandé à un jeune homme qui était auparavant alcoolique. Puis il a interrogé, que faisait-il avant comme péché? Donc ceci, il faut savoir les frères, fait partie des grands péchés. Ceci fait partie des grands péchés. Du fait que la personne a commis un péché et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché des regards des gens et que celui-ci par la suite se dévoile et raconte ceci aux gens. Et parmi les malheurs qui est suivi par cet acte-là, le fait qu'elle soit diffusée, que ce soit à travers Internet et autres parmi les moyens de diffusion. Wallahu al-musta'an. Donc il dit par la suite, la science, c'est, comme il a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la science, قال الله, Allah a dit, wa qala al-rasul, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et wa qala al-sahaba, et les compagnons ont dit. Donc il dit, et celui qui dépasse et qui sort de cette méthodologie dans la da'wa, celui-ci, il n'y a aucun doute qu'il est tombé dans une innovation. نعم. إذن عرفنا الشرط الأول وما يجب على الداعية أن يتصف به ويتحل به وهو الإخلاص عباد الله والإخلاص أساس كل طاعة لا بد من الإخلاص في أي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا لا بد من الإخلاص فيها والمتابعة فهذان شرطان لقبول العمل الإخلاص والمتابعة والدعوة لا شك أنها عبادة وقربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا فلا بد من الإخلاص فيها وقد عرفنا معنى الإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك والمتابعة ثانية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني والوصف الثاني الذي يجب على الداعية أن يتحل به العلم قال الله قال رسوله العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا العلم إذا أطلق وكلمة العالم إذا أطلقت فمعنى تعني العالم العالم بكتاب الله وسنة رسوله علماء الشرع. وكذلك كلمة العلم إذا أطلقت فتعني العلم الشرعي علم الكتاب والسنة. أما إذا أطلقت كلمة العلم على غير العلم الشرعي أو كلمة عالم على غير العالم الشرعي فلا بد من تقييدها. يقال عالم في الفيزياء، عالم في الكيمياء، عالم في الهندسة. أما إذا أطلقت كلمة عالم أو العلم فتعني العلم الشرعي الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم عباد الله فضله عظيم، فلابد من العلم لمن أراد الدعوة إلى الله جل وعلا، لمن أراد أن يقوم بهذا العمل الجليل لابد أن يكون على علم وعلى بصيرة وفهم، لقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، البصيرة هنا ليست العلم فقط، العلم مع الفهم. فالداعية الجاهل الذي يدعو الناس فهذا يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح، وهذا ما نراه في جماعة التبليغ وما نراه في الجماعات الأخرى التي لا علم عندها. العلم، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العلم أولا. لهذا قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم، ثم بيّن هذا العلم نوعية هذا العلم: معرفة العبد ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا أول العلم قبل القول والعمل، إذ لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله جل وعلا إلا إذا كان على علم وعلى دراية ومعرفة بذلك. وكذلك الداعية، لأن من أكبر الكبائر بل هو أصل الكفر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدار السالكين: القول على الله بلا علم. فقد جاء القول على الله بلا علم في المرتبة الرابعة، قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم جاء في المرتبة الرابعة بعد الشرك بالله جل وعلا، بدأ بأخف الذنوب، وهذه الذنوب محرمة لذاتها لا تحل أبدا، لأن هناك بعض المحرمات تحل عند الضرورة، كأكل الميتة، كأكل الميتة يحل عند الضرورة وعند الحاجة، لكن الشرك بالله هل يحل؟ يعني الزنا يحل؟ الظلم والبغي يحل؟ أبدا، لأن هذه أشياء محرمة لذاتها، لا تحل في أي وقت من الأوقات ولا في أي ظرف من الظروف. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، أن تقول في دين الله ما لا تعلم. مما سمعته من بعض جماعة التبليغ، قام أحدهم يبين، وهذه طريقتهم وعادتهم، قد يكون في أول أمره، لأول يوم هداه الله جاء للمسجد، فيقال قم بين، ماذا فيبين وهو جاهل لا يعرف كوعه من بوعه؟ بين، ماذا سيبين؟ سمعت أحدهم يقول ماذا عن معاذ ابن حبل، عن معاذ ابن حبل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يقول لا يأمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جهل، وكم في الجهل من ضرر، فلابد من العلم، لابد من العلم. ولهذا على الداعية أن يتزود بالعلم الشرعي، أن يكون على علم، على بصيرة، على بينة. والعلم هو قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم الذي يجب على الداعية أن يتحل به. وأساس دعوتنا عباد الله العلم، أساس الدعوة السلفية العلم، بخلاف الدعوات الأخرى لا تقوم على العلم. لا جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة الأحباس ولا الجماعات الأخرى، الدعوة السلفية قائمة على العلم. نحن أمة الدليل، تدخل تتعلم، تدخل في هذا المنهج، في هذه الدعوة وهي دعوة الحق، لا بد أن تتعلم أولا، يجب. كما قال شيخ الإسلام: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب. والوجوب هنا وجوب عيني على كل مكلف، وجوب عيني، لأن الوجوب الواجب قسمه العلماء إلى قسمين: قسم عيني أي واجب على المرأة وعلى الرجل، على كل بالغ، كالصلاة والصيام والتوحيد وإلى آخره من الفروض العينية، وقسم كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كالطب والهندسة، لا يجب أن نكون كلنا أطباء. وبعض أيضا المسائل الفقهية ما تجب على كل الناس أن يتعلموها. إذن الصفة الثانية العلم، العلم يا عباد الله. فعلى الداعية أن يتزود بالعلم النافع، ولا يدعو إلا على علم وعلى فهم. قل هذه سبيل، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفضل العلم عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. العالم تستغفر له الحيتان، يستغفر له النمل، الحيوان يستغفر للعالم. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة في فضل العلم أن الكلب المعلم أفضل من الكلب الجاهل. الكلب المعلم يؤكل صيده، أما الكلب الجاهل لا يؤكل صيده. إذا أرسلت كلبا وقد دربته وعلمته الصيد فتؤكل أو يؤكل صيده، وأما إذا اصطاد لك كلب جاهل فلا يؤكل صيده. كما قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح مكلبين. انظروا إلى فضل العلم يا عباد الله. حيوان كلب، الكلب المتعلم أفضل من الكلب الجاهل. فلهذا لا بد من العلم. فالداعية الذي لا علم عنده لا يله أن يدعو إلى الله جل وعلا، ما يجد ولا تسمع له ولا تلتفت إليه. هؤلاء المتعالمين كثير منهم ظهر في الساحة اليوم كما يقال. كثير تزبب قبل أن يتعنب، بمعنى أصبح زبيبا، صار زبيبة قبل أن يتعنب، قبل أن يكون عنبا. نراهم اليوم وتوضع لهم دروسهم، توضع دروسهم في الانترنت يعني وفي اليوتيوب وفي وفي وفي وفي، والله المستعان. الشيخ وهو لا يعرف كوعه من بوعه. شيخ، هذه كلمة الشيخ لا تقال إلا لابن باز وابن صالح العثيمين، شيخ صالح العثيمين والألباني. هذه الكلمة أصبحت تطلق على كل من هب ودب. شيخ يا أخي، ما أين قرأت وأين عمن تتلمذت ومن عمن درست وما ببلغك من العلم؟ أي نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Donc il dit le cheikh, par la suite, hafizahullah ta'ala, donc on a su la première condition de la validité des actes, et deuxièmement, la deuxième condition, le suivi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sincérité, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a dit la définition, qui est l'épurement des actes de toute forme de polythéisme. Ceci est la base et le fondement de tout acte. Donc, il n'y a aucun doute que l'appel vers Allah tabarak wa ta'ala est une des plus grandes adorations et une des qurubat, rapprochement. Le rapprochement, les actes, c'est une des actes par lequel, ou le plus important des actes par lesquels la personne se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la première attribut que doit s'imprégner d'elle celui qui appelle vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est al-ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième attribut, la science. Deuxième attribut, le savoir. Le savoir qui est tiré du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car le savoir, lorsqu'il est cité d'une manière générale, et lorsque le savant est cité d'une manière générale, celui-ci désigne le savoir, c'est-à-dire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa compréhension. Et le savant, lui, automatiquement, c'est-à-dire le savant, c'est lui qui est connaisseur de ce livre-là qui est le Coran, le livre d'Allah subhanahu. Mais lorsqu'on dit le savant ou le ilm dans un domaine précis, celui-ci, on lui attache le ilm qui est désigné par cet attachement. Donc la science a beaucoup de mérite. Donc il incombe ou il est obligatoire à celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala de s'imprégner de cet attribut qui est la science. Donc tous ceux qui veulent endosser ce rôle qui est la da'wa doivent s'imprégner de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي Dis-leur au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voici ma voix dans toute sa rectitude. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ J'appelle vers Allah أَنَا وَعَلَى بَصِيرَةٍ avec discernement ou clairvoyance. Donc ici le cheikh il dit concernant le mot al-basira, ça ne désigne pas que la science. Ça désigne la science avec la compréhension. La science avec la compréhension. Donc il dit à la fin du hadith du ayah, Ana wa mani taba'ani. Donc voici ma voix dans toute sa rectitude. J'appelle vers Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc l'ignorant, lui, il ne bâtit pas, mais celui-ci au contraire détruit. Celui-ci au contraire détruit. Comme ceci on le voit dans les pratiques et les agissements des jama'at at-tablir. Dans les agissements de jama'at at-tablir. Donc la science, lui, doit être les actes doivent être précédés de la science. Comme l'a cité l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Usul al-Thalatha ou Thalathat al-Usul, il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Puis il dit la science, puis il a détaillé qu'est-ce que la science. Il dit la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de l'islam par les biais des preuves. Donc, il est interdit à qui que ce soit d'appeler et de parler sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne possède de science à ce sujet. Car le fait de dire au sujet de la religion d'Allah ou au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, ceci est le plus grand péché. Et plus encore, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ceci est l'origine de la mécréance. Ceci est l'origine de la mécréance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. الله فيك شيء. Donc il dit Allah subhanahu, en énumérant les péchés ici, des moins graves jusqu'au yani au plus grave. Donc ça, il y a... Surat Maïda. Tu as la traduction, mon frère? Khair, Inch'Allah. Parce qu'il y a deux mots. Tu peux me le trouver? Bah, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ici les péchés. J'ai pas la traduction, les frères, c'est pour ça. Non? Non? العام مش ال تدي المائدة لا لا لا أنا صوت العام أو لا الأعراف لا تخلطت عليكم أنت ما خير إن شاء الله لا يضر إن شاء الله celui qui le trouve le يعني citera après بإذن الله. Donc il a cité en dernier, c'est-à-dire le plus grave, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, et que vous dites au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Et que vous dites au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu a placé ce péché dans le martaba le plus élevé de la gravité de tous les péchés. Contrairement à certains parmi les péchés, celui-ci peut devenir permis dans les cas où la personne n'a aucun choix. C'est-à-dire, le chéri l'a donné un exemple, c'est-à-dire les cadavres, les bêtes mortes. Yani les cadavres. Donc ceci est interdit à la base, mais dans le cas de al-ittirar, c'est-à-dire la personne se trouve dans une situation de mort, donc dans ce cas-là, il lui devient licite à lui, dans cette situation, et à cause de cette situation, c'est-à-dire de consommer cet interdit pour s'enlever de cette situation qui est de al-halak. Contrairement aux autres péchés comme le polythéisme, comme zina et d'autres, celui-ci est interdit d'une manière catégorique et il n'y a aucune situation qui le rende permis. Donc le frère, il a trouvé la page. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Non, de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc c'est Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 33. Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 33. Donc, il dit le cheikh, parmi ce que j'ai témoigné concernant Jamaat et Tablir, le fait qu'ils font venir une personne à la mosquée alors que celui-ci débute, puis lui dit: lève-toi et transmets. Lève-toi et transmets. Baille. Et dans une certaine situation, il dit le cheikh, j'ai entendu celui-ci dire: An Mu'ad, Biddal, cheikh. Al-Mu'adh ibn Habal. Ibn Habal. Donc d'après Mu'adh, donc en arabe on dit Al-Mu'adhi ibn Jabal. Donc celui-ci dit Al-Mu'adhi ibn Habal. Ibn Habal. Al-Musta'an. Non? Non. Donc Al-Habal, c'est la corde. La corde. Non. Et dans certaines situations, certains d'eux ils disent le hadith dans lequel le Nabi Sassam dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Celui-ci dit: La ya'manu Donc le hadith la yu'minu, c'est-à-dire ne croit pas, celui d'entre vous, comment on le dit, la yu'minu ahadukum, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aura pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ici il s'agit de l'iman et celui-ci dit à la place de yu'minu, ya'manu, qui est lui la sécurité. Donc la signification du hadith alors, la ya'manu ahadukum. Donc nul d'entre vous ne sera en sécurité tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, Allah musta'an. L'ignorance. Et combien dans l'ignorance y a-t-il de méfaits ou de nuisances? Donc il est obligatoire de s'imprégner de l'ilm. Donc l'ilm, comme on l'a cité tout à l'heure, Allah a dit, le messager alayhi salatu wassalam a dit, et les sahaba ont dit, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et le fondement sur lequel la da'wa, notre da'wa, qui est la da'wa salafiyya, c'est la science, l'ilm. Contrairement aux autres da'wa qui ne se reposent nullement sur la science. Donc il est obligatoire de s'imprégner de l'ilm. Comme l'a cité l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dans la risala, qui est l'usul al-thalatha, dans laquelle il dit « I'lam rahimakallahu » Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous tous d'apprendre ou de connaître quatre choses. Donc ici le mot « alayna » à nous tous, on appelle ça, c'est une obligation à chaque individu constituant cette communauté. Car les obligations dans l'islam se subdivisent en deux catégories. Une obligation qu'on appelle de lui ou qu'on dit de lui « ayni » qui est une obligation à chaque individu constituant cette umma. Et deuxième, comme la prière, comme la zakat, et ceci concerne l'homme comme la femme. Deuxièmement, une obligation qu'on dit de lui « fard » ou « wujub » « kifai » Une obligation qui est kifai, c'est-à-dire si certains de cette communauté le font, toute la communauté est exempte de péché. Puis le shir, il a donné l'exemple, la médecine, l'ingénierie et autres parmi les pratiques, et même certains parmi les sciences religieuses, qu'il n'est pas dans l'obligation de chaque individu de la Ummah de le connaître. Mais si certains de cette communauté apprennent ce ilm-là, cette science-là, yani, ceci suffit, et les péchés, tout le monde en est exempté. On est exempté. Donc, la deuxième attribut, comme on l'a dit, c'est la science. Donc, celui qui n'a pas de ilm, il lui est interdit d'appeler vers Allah tabarak wa ta'ala. Donc, il dit... Allah subhanahu hal yastaqul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa huna bayna qawsayn barakallahu fikum la a'ni bi anna al insan la yad'u mutlaqan la bal yad'u bima 'indahu min al 'ilm. Naam. Bima 'indahu min al 'ilm. Naam. Donc le cheikh il dit ici yad'u bima 'indahu min al 'ilm. Idha kan 'indahu naseeb min al 'ilm تكلم فيه. نعم. تعرف معنى لا إله إلا الله بينها للناس. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل يدعو بحسب استطاعته وقدرته. الله فيك. Donc il dit le cher ici, avant que ne perd le fil بإذن الله, pendant qu'on est dessus, il dit entre parenthèses ici, ceci ne signifie pas qu'il est interdit d'appeler d'une manière générale ou d'une manière totale. Mais l'appel de la personne vers la religion doit se restreindre à ce qu'il sait. Donc celui qui sait une chose, il n'appelle que vers cette chose-là, il ne dépasse pas ceci. Non. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « قل يا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dis, est-ce que ceux qui savent sont au même titre que ceux qui ne savent pas? إنما يتذكر أولو الألباب. Et ceux qui se rappellent de ceci sont les gens doués de raison. الأفضل التعبير est-ce que قل لا يستوي الإنégalité. Égalité. Au même titre. Moi, je me trompe le French. Donc, il y a au même titre. Il m'a dit Ali égal. Alhamdulillah. Bijazig. Donc, le mot au même titre, yani, ça veut dire yani, égal. Allah. Donc, les mérites de la science sont très nombreuses. Et parmi cela, le Nabi s'ensemble a cité le hadith. Et je pense que la majeure partie des gens le savent, que celui qui emprunte le chemin vers une science, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite le chemin vers le paradis. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu dit, et le mérite du savant par rapport au dévot, tout le monde sait ce qu'est un dévot? Un adorateur. Un adorateur, donc le mérite du savant par rapport au dévot est comme le mérite de Al-Qamar, la lune, par rapport aux autres astre, par rapport aux autres astres. Naam. Donc par la suite, le Nabi sallam dit, en nous informant que les savants sont les héritiers des prophètes, c'est-à-dire par rapport à l'héritage de l'ilm al-shari. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, avant ça, le shir il a dit, par la suite, le hadith, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les anges prient pour celui qui apprend aux gens le bien. Certes, Allah subhanahu ainsi que les anges alayhim salatu wa salam prient pour celui qui apprend aux gens le bien. Il dit aussi par la suite le hadith que les créatures demandent le pardon, que ce soit le poisson au fond de la mer ou le fourmi au fond de son terrier. Cela, il demande le pardon pour le savant ou celui qui apprend les gens le bien. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité dans son livre qui s'intitule Miftah Dar al-Sa'ada, il a dédié un chapitre sur le mérite de la science, dans lequel, parmi ses paragraphes, qui exprime le mérite de l'ilm, ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a rendu licite, le proie qui est attrapé par un chien à qui on a appris la chasse. Donc on appelle ça un kalb al-mu'allim, c'est-à-dire celui à qui on a appris la chasse et qu'il a interdit la consommation de la proie, yani attrapé par un chien à qui on n'a pas enseigné la chasse. Donc il dit, observez des animaux, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus, yani les a différenciés, et ceci à travers la science religieuse, la science d'âme. Donc le prêcheur, lui, ou le prédicateur, qui n'a aucune science, celui-ci, il est interdit qu'il appelle. Et qu'il est interdit aux gens de lui prêter oreille et de le donner une quelconque considération. Et comme on le voit à l'heure actuelle, la multiplication des al-muta'alimin, ceux qui, avant d'être raisins, ils pensent et ils sont devenus déjà des raisins secs. Gagner l'expression. C'est mieux en arabe. Des fois, lorsqu'on traduit, il perd gagner le sens. Ceux qui ont voulu être Az-Zabib, mon avis hier, yani, Ka'anna ra'sahu Zabiba, avant même d'être un raisin. Non, le raisin sec, avant même d'être un raisin. Non. Et on leur dit, le shir fulan. Et ce kalima, c'est-à-dire le mot shir, il n'est employé qu'en désignant un savant tel, Cheikh Ibn Baz, tel, Cheikh Ibn Uthaymeen, tel, Cheikh Albani, rahimahumullahu ta'ala et d'autres. Et cette appellation, à l'heure actuelle, on l'attribue à tous ceux à qui on désire. نعم تفضل شيخ اي نعم الموضوع طويل والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك فمن الصفات التي يجب على الداعي ان يتحل بها العمل بالعلم العمل بالعلم فالعلم أساسه العمل ثمرته العمل علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر وعلم بلا عمل لا يكون لا جنون علم بلا عمل جنون وعمل بلا علم لا يكون ولهذا قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون فلابد من العمل بالعلم فمن أراد أن يقبل كلامه ويستجيب له الناس فعليه أن يعمل بالعلم لا تنع عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم أيضا من الصفات التي يجب على داعي أن يتحل بها الصبر فطريق الدعوة فطريق الدعوة ليس مفروشا بالزراب والورود طريق الدعوة ليس مفروشا بالزرار والورود فعلى الداعي الصبر ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم نوح إبراهيم موسى عيسى عليهم الصلاة والسلام هؤلاء كلهم تعرضوا للأذى ولهذا قال جل وعلا واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل قال مخاطبا النبي واصبر وما صبرك إلا بالله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته شجع وجهه قالوا عنه ساحر قالوا عنه كاهن قالوا عنه كذاب قالوا عنه مجنون وقالوا في نوح عليه السلام اتهموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر وقال المشركون لنبينا محمد أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون شاعر مجنون فصبر صلى الله عليه وسلم لهذا قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة والصبر على الأذى فيه والصبر على الأذى أن تصبر يا عبد الله صبر لأن ستواجه الجاهل وتواجه المكابر المعاند فلا بد من الصبر فالذي لا يصبر لا يصل وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. ايضا من صفات الداعي ان يبدا بالاهم، ان يبدا بالدعوه الى التوحيد، ان يبدا بالدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك، ان يبدا بالاهم. فالاهم، وهذه دعوه الانبياء جميعا، ايضا من الصفات التي يجب على الداعي ان يتحلى بها الاخلاق. الاخلاق: التواضع، الصدق، الرحمه، الحكمه. لان الهدف من الدعوه، من دعوه الناس الى الخير، تريد لهم الخير، تريد لهم الهدايه، يجب ان تكون رحيما بهم. ارحمهم، لا تكون شديدا غليظا في باب الدعوة. في الدعوة الحكمة والرفق واللين، أما في التحذير من أهل البدع والأهواء هذا ما تتعامل معه بالرحمة، بالشدة والغلبة، تشدد عليهم، لأن هؤلاء يفسدون في دين الله جل وعلا، يفسدون في الإسلام، وشرهم خطير على دين الله جل وعلا. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: مثل أهل البدع والأهواء كمثل العقارب، يدسون رؤوسا في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. وعليكم السلام، اتصل علي بعد العصر بارك الله فيك. اتصل علي بعد العصر بارك الله فيك. السلام عليكم. أحسنت. أخوتي سأصبر، أراكم بعد الظهر إن شاء الله. هيا سلام. Donc il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, par la suite. Donc ce sujet est très long, mais le temps, comme il a cité, est comme l'épée, le safe. Si tu ne le coupes pas, certes lui te coupe. Donc il dit, et parmi les attributs que doit s'imprégner celui qui appelle vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est al-amal, c'est-à-dire œuvrer en fonction de ce qu'il a appris, ou appliquer ce qu'il a appris. Car les actes sont le fruit ou les fruits de la science. Comme il est dit, la science qui ne donne pas ou qui n'engendre pas les actes, est comparable à un arbre qui ne donne pas de fruits. Puis il dit « ilmun bila amal junun ». Donc une science sans la mise en pratique est une folie. Et les actes sans science n'existent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des Bani Israël, les fils d'Israël, Yaqub, alayhi salatu wassalam, « Ata'amuruna an-nasa bil-birri, wa tansawna anfusakum, wa antum tatlouna al-kitab, afala ta'aqilun. » Ordonnez-vous les gens le bien, alors que vous vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre. « Wa antum tatlouna al-kitab, afala ta'aqilun. » Ne raisonnez-vous donc pas. Puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat As-Saff, donc Surat As-Saff, le rang, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Donc il dit le shir par la suite, hafidhahullah ta'ala, donc il est obligatoire d'appliquer la science que la personne a héritée. Si celui-ci espère que les gens l'écoutent, donc n'interdis pas un comportement alors que tu l'utilises. Puis il dit al-wasf al-thalith, donc le troisième, le quatrième attribut. Troisième. Le premier c'est l'ikhlas, le deuxième c'est l'ail, et le troisième c'est l'amal, et le quatrième c'est Donc le quatrième attribut, as-sabr, la patience. Car le chemin de l'appel vers Allah tabarak wa ta'ala n'est pas orné de fleurs, de roses, comme ils disent, dans l'expression, et comment on dit ça, le tapis rouge? Non, Zarab al-Wurud. Tapis rouge. C'est le vert rouge. Non. Donc il n'est pas. On cherche le verbe ici. Donc il n'est pas. Tapissé. Donc vous connaissez mon cas maintenant, les frères, il n'y a pas d'étonnance. I don't French. Donc il dit. Le Cheikh Fidaullah Ta'ala, le chemin de la da'wa n'est pas tapissé et n'est pas orné de fleurs. Et nous avons un très bel exemple en le messager d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alayhi salatu wa salam, au sujet duquel celui-ci a été persécuté dans la da'wa. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dit, en lui donnant l'exemple des prophètes et messagers qui l'ont suivi dans ce chemin, qui est la da'wa, « Wasbir kama sabara ulul azm minar rusul » et patiente comme ont patienté les ulul azm parmi les messagers. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Wasbir wa ma sabruka illa billah » Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a cassé « Ruba'iyatuhu » donc ça en français. Ruba'iyya les canines. Les canines. C'est pas les canines, c'est ça. C'est voilà. Parce que ça fait 4. Ruba'iyya 2 et 2 et 4. Ok, ça. Après ça, yani. Chez vous, yani, c'est l'incisive. Ruba'iyya tout. Donc il a été balafré. Je pense qu'on dit comme ça. Non. Et on l'a traité de tous les noms. On lui a dit. On a dit à son sujet, c'est un sorcier. On a dit à son sujet, c'est Majnoun, un fou. On a dit à son sujet, c'est un poète fou. Et nous, alayhi salatu wassalam, avant lui, on lui a dit, c'est un Majnoun aussi. Et malgré ça, ils ont patienté, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Dans le sens rapproché du verset, Naam. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Naam. Ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Il dit l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab dans sa risala al-usul al-thalatha, le quatrième point, as-sabru al-adhafi, c'est-à-dire la patience due aux persécutions. La patience due aux persécutions. Donc, le fait de réunir la patience et al-yaqin, la certitude, de par cela, la personne octroie la imama dans l'islam. Comme Allah tabarak wa ta'ala le cite dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement à nos versets. Donc il dit, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, donc l'union de la patience ainsi que la sincérité, ainsi que la certitude de l'yakin, de par ceci, la personne, yani, octroie ou obtient la imama dans l'islam, le statut de guide dans l'islam. Et parmi les attributs que le da'i, le prédicateur, doit s'imprégner d'elle, c'est-à-dire qu'il commence sa da'wa par ce qui est le plus important, à savoir l'appel vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la mise en garde au sujet du polythéisme et l'association dans son adoration. Et le sixième attribut, parmi les attributs que le serviteur, yani da'i, le prédicateur, doit posséder, c'est-à-dire le bon comportement, al-akhlaq, le bon comportement. Et parmi ces comportements-là, at-tawadu, l'humilité, as-sidq, la véracité, la hikma, la sagesse, la douceur, etc. Donc la da'wa, dans la da'wa, lorsque la personne fait la da'wa, le but c'est qu'il désire le bien pour celui qui l'appelle vers cette religion. Donc dans le chapitre de la da'wa, celui-ci doit user de la douceur et de la sagesse pour appeler les gens. Mais dans le chapitre de la mise en garde, telle la mise en garde contre le shirk ou la mise en garde contre le bid'a, comme le shirk, hafidhahullah ta'ala cité, il n'y a pas lieu d'user de la douceur. Et au contraire, la personne doit être sévère et dure par rapport à ce sujet et par rapport aux gens qui sont innovateurs. Car ces gens-là pervertissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pervertissent la religion des gens. Comme l'a cité l'imam Yahni al-Barbahari rahimahullah ta'ala dans son livre Sharh Sunnah, il dit, l'exemple des gens de l'innovation est comme l'exemple des scorpions qui cache son corps et sa tête, yani sa tête au fond des dunes, yani les sables, et qu'il fait sortir son dard. Je pense qu'on dit comme ça, le dard. Donc celui-ci, lorsqu'il a l'occasion, il pique. Donc ceci est l'exemple des gens de l'innovation. Lorsqu'ils ont l'occasion de transmettre leur innovation et d'empoisonner les gens, de les pervertir leur religion, celui-ci ne manque pas cette occasion. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh, il s'est arrêté sur ce point-là. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. Donc le prochain cours, comme le frère Yassine dit, c'est après l'Asr, bi'idhnillah ta'ala. Allah. Merci.